aujourd'hui dans Affaires Sensibles, plongée à la recherche d'un sous-marin porté disparu. Il ne s'agit pas d'un sous-marin nucléaire, mais tout de même, l'affaire est grave. Le 27 janvier 1968, au large de Toulon, la Minerve, fleuron de la Marine nationale, participe à un entraînement. À son bord, 51 marins aguerris suivent à la lettre les ordres de leur commandant, un homme expérimenté jouissant d'une solide réputation. L'exercice à l'ordre du jour est simple, mais la météo, elle, est exécrable et elle rend la tâche compliquée. Voilà, c'est dans ces conditions que, pour une raison inconnue, la Minerve disparaît brusquement des écrans radars et des ondes radio. À Toulon, une incroyable course contre la montre s'engage pour tenter de retrouver le sous-marin et porter secours à son équipage. Et malgré le déploiement de moyens militaires colossaux, on ne retrouve en mer aucune trace du submersible, déclaré par la suite perdu corps et biens. Après 3 campagnes de recherche infructueuses, menées jusqu'en mai 70, la Marine nationale jette l'éponge. S'installe alors un interminable silence sur le naufrage, une deuxième blessure pour les 31 orphelins, les 17 veuves et toutes les familles en deuil. Il faudra attendre 2018, soit plus d'un demi-siècle après les faits, pour que de nouvelles recherches permettent enfin de retrouver l'épave. Dès lors, de nouvelles questions se posent. Que s'est-il exactement passé au large de Toulon le 27 janvier 1968? Pour quelles raisons la Minerve a-t-il coulé? Et enfin, pourquoi les recherches ont-elles été si difficiles? Notre invité aujourd'hui, Hervé Fauve, fils du commandant de la Minerve. Oui, son fils. Il a perdu son père, donc dans la tragédie, il se bat depuis des années pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il est l'auteur d'un livre coécrit avec Léonard Lièvre intitulé « Retrouver la Minerve » à paraître aux éditions Confident le 24 mars. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Au milieu des années 60, en plein cœur de la guerre froide, l'équilibre du monde repose sur un constat précaire. Si la guerre est impossible, la paix, elle, reste improbable. Alors, Américains et Soviétiques, ainsi que leurs alliés respectifs, se lancent dans de vastes programmes d'armement. En coulisses, bien loin des caméras, chaque camp avance ses pions sur un autre échiquier, invisible et silencieux, celui-là, situé au fond des océans. Là, tapis dans les eaux sombres des profondeurs, plusieurs dizaines d'engins submersibles embarquent avec des torpilles et des missiles balistiques bientôt équipés, plus de têtes nucléaires. Dans cette guerre de l'ombre et du silence, la France n'est pas en reste. Pour le général de Gaulle, les sous-marins sont appelés à devenir, je le cite, le fer de lance de la politique de dissuasion. Comprenez, une force mobile et autonome, capable de répondre à tout moment en cas d'agression du territoire. En 1967, l'enjeu autour de ces machines capables d'échapper à la surveillance ennemie est stratégique donc. Le secret qui entoure leur conception, leur fabrication et leur utilisation est total. Dans les ports militaires de Brest et de Toulon, la Marine nationale place ses submersibles sous bonne garde. Et parmi eux, on trouve des modèles baptisés les Daphné. Symbole de fierté des arsenaux et de puissance pour l'armée française, les 9 sous-marins de type Daphné sont conçus pour disparaître de la surface de l'eau en un éclair, plonger à plus de 300 mètres de profondeur et rester en immersion pendant 4 jours. Sur les rares photos qui circulent à l'époque dans la presse, on distingue leur silhouette intrigante. Alignés le long des quais, en rade de Toulon, les Daphné ont une longue et fine étrave noirâtre. Il mesure une 50aine de mètres de long pour une largeur qui dépasse par endroits les 6 mètres. Les flancs du sous-marin sont en forme de fuseau. Son pont, lui, est plat. Élément qui le distingue des autres machines, une sorte de protubérance en forme d'œuf sur la partie avant. Sur le kiosque, enfin, la tourelle d'où sortent le périscope et les antennes radio, les militaires ont peint en rouge le numéro et le nom de l'engin sur la coque. Un rien coquet, Daphné. Si d'ordinaire la Marine nationale communique peu sur ses sous-marins, À l'automne 1967, fête exceptionnelle, journaliste Robert Sézé et une équipe de l'émission 5 colonnes à la une montent à bord du spécimen qui répond, celui-là, au nom de code S-647, inscrit en rouge sur la coque. C'est la Minerve. En direct du sous-marin. La Minerve est un sous-marin de classe intermédiaire à haute performance de fabrication française dans la série des Daphné. C'est un submersible de 800 tonnes. Sur la passerelle, un officier de quart. La Minerve est parée à plonger au poste de combat. À bord de la Minerve, 50 hommes vivent. Dans la partie avant du sous-marin, là où se trouve la caméra, se trouvent 8 des 12 tubes lance-torpilles. Ces torpilles d'un type très moderne ont une tête chercheuse acoustique. Elles suivent le bruit et peuvent atteindre un objectif se trouvant à 10 km. Sonar des SUV veille. Sonar des SUV veille. Sonar veille. Des SUV veille. Sonar veille. Pas de bruiteur au DSUV. Pas de bruiteur au sonar. Pas de bruiteur à l'écoute. 12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. Après la salle des torpilles, la caméra emmène les téléspectateurs dans une succession de compartiments exigus et de couloirs étroits où chaque membre de l'équipage va à ses occupations. Ici, plusieurs marins contrôlent les règles des manomètres en salle des machines. Là, d'autres nettoient les tubes lance-torpilles. Dans le carré des officiers, le premier maître trace au crayon le plan de navigation sur une carte. Et première impression, eh bien il fait chaud, 25 degrés. Ça sent le gras, le gasoil et la sueur. Les variations de pression lors des phases de plongée sont intenses. Mais rien, non, rien qui ne puisse troubler un calme et un ordre absolu. Car ici, plus qu'ailleurs, une erreur peut se révéler fatale. Un oubli peut avoir de terribles conséquences. Alors, chacun exécute les ordres du commandant à la lettre, concentré. Alors que la caméra se faufile, le journaliste Robert Sézé pénètre dans le centre opération, cœur névralgique, situé au centre, juste sous la tourelle. Ici, 24 heures sur 24, plusieurs officiers gardent l'œil rivé sur l'écran des sonars. L'instrument clé pour la détection de tout bâtiment allié ou ennemi dans la zone, pas de sous-marin sans sonar. Autre observation qui saute aux yeux lorsque la caméra balaye la pièce, l'équipage de la Minerve est jeune. Les marins ont à peine une vingtaine d'années. Les officiers, eux, tout juste 30 ans. Travailler dans ce sous-marin tient de l'apnée juvénile. Le commandant, le lieutenant de vaisseau Bouillot, a 33 ans. Au micro de 5 colonnes à la une, il vante les qualités de son Minerve. Ce sous-marin, bien que classique, c'est-à-dire asservi à charger sa batterie en surface, possède néanmoins trois atouts majeurs. Premièrement, sa discrétion. Il est parfaitement silencieux en plongée et par conséquent moins vulnérable pour les autres sous-marins. Deuxièmement, sa manœuvrabilité en plongée et surtout son immersion maximum de 300 mètres qui est exceptionnelle pour un sous-marin classique. Enfin, ces appareils d'écoute que vous venez voir, dont les portées sont remarquables. Pour vous donner un exemple, une force navale peut être détectée à peu près à 100 nautiques. Qui sont les sous-mariniers, commandant ? Bien, les sous-mariniers, ce sont des gens volontaires, engagés, et dont la qualité primordiale, à mon avis, est l'enthousiasme. Commandant, tout à l'heure, nous étions prêts à plonger. Je crois que nous pourrions maintenant plonger, si vous le voulez bien, si nous le pouvons. Très bien. Alerte ! Alors que le sous-marin entame sa plongée, le central opération entre en pleine ébullition. Grâce à des porte-voix, les officiers envoient les ordres directement au poste de conduite et en salle de moteur. Puis le panneau supérieur au niveau duquel se trouvait l'officier de quart se referme. L'eau entre dans les ballastes, le nez du sous-marin s'incline vers l'avant. Le commandant fait alors sortir le périscope et observe la coque disparaître sous les eaux. 20 secondes plus tard, le submersible, proie facile lorsqu'il est en surface, a disparu dans les profondeurs et là, il devient un redoutable chasseur. Quelques mois plus tard, nuit du 26 au 27 janvier 1968, vent violent, orage foudroyant se succèdent. En surface, les vagues formées et la forte houle rendent toute navigation très difficile, voire dangereuse. Vers 1h du matin, le sous-marin Minerve sort de la rade du port militaire de Toulon à allure réduite. L'équipage est au complet. Les 52 marins sont à leur poste. Les visages de certains sont encore à moitié endormis. Le commandant, c'est le lieutenant de vaisseau André Fauve. Voilà tout juste une semaine que cet officier sous-marinier, bien noté par ses supérieurs, à la forte réputation et aux grandes qualités humaines, dirige la Minerve. De lui, l'amiral Alain Coatanea, futur chef d'état-major de la marine, dira plus tard... André Fauve était un garçon très sérieux, extrêmement méticuleux. Je ne dirais pas trop, mais presque. Il était d'un abord assez sévère. Il n'était pas dénué d'humour. Il était officier de navigation et était à la fois officier armes. C'était un garçon en qui j'avais la plus grande confiance. Officier de manœuvre aussi, et qui faisait bien son travail. Je le considérais comme un excellent sous-marinier. En tout cas, c'était un garçon extrêmement sérieux qui n'aurait jamais pris, surtout dans les premières semaines d'un commandement, le moindre risque. Et puis, il connaissait parfaitement ces bateaux-là. Après une nuit de manœuvre, la Minerve fait surface vers 7 heures du matin. En ce samedi 27 janvier, le temps est toujours mauvais au large de Toulon. Le Mistral souffle à plus de 100 km/h, la mer est très agitée. Comme convenu, le sous-marin se présente à son rendez-vous dans une zone déterminée à plus de 25 km des côtes. En immersion périscopique, il sort son antenne radio et actionne son système Schnorchel, un tube qui permet d'évacuer les gaz d'échappement et de faire entrer de l'air frais. Mené conjointement avec un avion de reconnaissance de l'aéronavale, l'exercice auquel participe aujourd'hui la Minerve est destiné à entraîner les pilotes au repérage radar des sous-marins. À 7h15, un premier contact radio est enfin établi entre l'appareil, un Breguet Atlantique qui survole la zone, et la Minerve. Problème, les vagues arrosent de gerbes d'écume l'antenne radio, rendant la liaison avec l'aéronef médiocre. À 7h37, la transmission est interrompue, puis elle reprend. À 7h55, le commandant d'avion, conscient des difficultés météo, décide de mettre fin à l'exercice. La Minerve confirme par radio. Puis l'avion s'éloigne, passe au-dessus d'un pétrolier, met le cap au nord pour rejoindre la base militaire de Nîmes. À 11h, le commandement des sous-marins pour la Méditerranée envoie un message à la Minerve. Exercice annulé pour cause de météo défavorable, reprenez liberté de manœuvre. Le submersible ne répond pas. Rien d'anormal en théorie, car lorsqu'il est en mer, un sous-marin se doit d'être discret et de minimiser les contacts avec l'extérieur. Samedi 27 janvier, il est un peu plus de 23h. Dans la rade du port militaire de Toulon, le quai où est en théorie stationnée la Minerve est toujours vide. L'engin n'est pas rentré à la base, mais l'usage veut que le commandant dispose d'un délai entre son heure de retour théorique, fixée en l'occurrence à 21h, et son retour effectif. Mais à 2h du matin, en l'absence de tout contact radio avec le sous-marin, l'inquiétude commence à grimper parmi les hommes qui sont de garde. La suite, c'est l'officier radio Gérard Ampen qui la raconte au micro de France Inter. C'est pas de service radio ce jour-là. J'ai donc parti au cinéma à Toulon. Et en rentrant 11h du soir à la base, j'ai vu que le box de la Minerve était vide. J'ai dit, tiens, c'est étrange. Mais bon, je me suis pas inquiété plus que ça. Et à 2h du matin, c'est là qu'ils m'ont réveillé. Un officier en disant, vous êtes le seul radio présent à la base. On sait que vous avez un cousin à bord. J'ai dit, pas tout à fait, c'est mon frère. Est-ce que vous pouvez prendre la veille radio? Je dis, oui, bien sûr, je vais y aller. Donc, à 2h15, et c'est là que l'alerte générale était donnée. Je me suis présenté au PC radio. Et puis, ils m'ont laissé tout seul jusqu'à 8h du matin. Alors, j'ai appelé la Minerve, mais on peut toujours appeler. À 3h du matin, à Paris, le téléphone sonne au ministère des Armées. Un intendant réveille en catastrophe le ministre, Pierre Messmer. À peine sorti de son lit, il écoute les informations que lui transmet un officier gradé de la flotte méditerranée. Il comprend immédiatement que la situation est grave. Alors, sans perdre un instant, Pierre Messmer appelle à son tour le président de la République, le général de Gaulle, qui sonne la mobilisation générale pour retrouver la Minerve. Et de fait, dans les heures qui suivent, une dizaine de navires militaires arrivent. Il y a là des escorteurs, des vedettes et même un bâtiment de soutien à la plongée. Dans les airs, un avion de reconnaissance et plusieurs hélicoptères quadrillent une zone de 8 km² autour de la dernière position connue de la Minerve. Mais les heures passent et on ne trouve rien. Ce n'est que vers 8h du matin qu'enfin, un avion de l'aéronaval aperçoit une large tache en surface. S'agit-il d'un rejet d'hydrocarbures provenant du sous-marin ? Impossible de le dire. Au même moment à Toulon, des voitures de l'armée avec des haut-parleurs installés sur leurs toits sillonnent les rues et hurlent aux marins en permission de regagner d'urgence leur poste. Très vite, la ville entière est réveillée et les premières craintes gagnent la population. Entre les équipages, on se connaît de vue ou de nom et certains habitent le même immeuble ou parfois le même étage. Alors quand un équipage de 52 hommes manque à l'appel, c'est toute l'amirauté qui fait face à une tragédie. À 9h30, au large, on distingue de nouveaux bâtiments qui arrivent en renfort. Et à 14h, c'est le porte-avions Clémenceau, carrément, avec à son bord deux flottilles d'hélicoptères qui débarquent dans la zone de recherche. Au même moment, sur France Inter, la nouvelle de la disparition de la Minerve fait l'objet d'une édition spéciale du journal de la mi-journée. France Inter. Le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Pierre Etienne. Depuis maintenant près de 16 heures, le contact est perdu avec le sous-marin français La Minerve qui plongeait au large de Toulon. Il y a 52 hommes à bord et l'inquiétude est à son comble à Toulon. La Marine nationale a déclenché une immense opération de recherche avec tous les moyens dont elle dispose. Mais il faut bien reconnaître que la Marine française risque malheureusement de connaître l'un des plus grands drames qu'elle ait connu depuis la guerre. Pour l'instant, il est évidemment impossible de dire s'il reste une chance, une petite chance, de retrouver les 52 hommes du Minerve. Partant du principe que la Minerve a probablement subi une avarie technique et qu'elle s'est enfoncée dans les profondeurs, l'objectif de l'amirauté est de retrouver l'épave du sous-marin et de sauver d'éventuels survivants. Mais il faut agir vite, car le submersible a au maximum une centaine d'heures de réserve d'oxygène. Or, depuis son dernier contact radio, à 7h55, la veille, 36 heures se sont déjà écoulées. Au centre des opérations maritimes, à Toulon, décision est prise d'informer en urgence les familles, qu'elles ne l'apprennent surtout pas par voie de presse ou à la radio. Comme il est d'usage en de telles circonstances, deux hommes de même grade que le disparu se rendent à l'adresse des proches. Parfois, c'est un jeune matelot d'à peine 20 ans, désigné d'office, écrasé par l'émotion, ne sachant pas comment annoncer une telle nouvelle, qui sonne à une porte, prévient rapidement une épouse abasourdie ou une mère affolée, et repart tout aussi soudainement. Pour les marins mariés, ce sont à la fois les parents et les épouses qu'il faut avertir. Pour ceux qui avaient simplement une fiancée non connue de la marine, le bouche à oreille ou les coups de téléphone d'un proche seront souvent plus rapides. Parmi ceux qui apprendront la nouvelle dans la journée de dimanche, il y a les enfants du commandant second du sous-marin Minerve, Jean Agnus. Interrogé par la journaliste Nathalie Hernandez de France Inter, l'un d'eux, Christophe, témoigne. J'avais 4 ans et demi. Je pense que j'ai zappé cette journée. Et ce que m'a raconté ma tante, c'est que j'étais scotché à la porte et que je voulais pas en bouger. Comme si je l'attendais, que je voulais pas partir au cas où il rentre. La disparition de mon père est revenue, plus vivace quand j'avais 5-6 ans. Pour un détail d'enfant, je devais être en CP, donc j'avais 6 ans. Et je me suis rendu compte que tous les amis avaient deux signatures sur leur carnet, moi j'en avais qu'une. Lundi 29 janvier 1968, voilà 48 heures que le sous-marin La Minerve n'a plus donné aucun signe de vie. Alors qu'en mer, les recherches se poursuivent. Sur la base militaire de Toulon, c'est l'incompréhension qui domine. Pour la première fois en effet, un sous-marin de fabrication française se retrouve dans une situation critique. Jusqu'ici, les submersibles de la marine nationale étaient des machines réputées très sûres. Preuve de cet état d'esprit, les marins s'engageaient comme volontaires avec l'espoir de faire une grande carrière à leur bord. Interrogé par le RTF, l'ancien commandant de la Minerve, d'ailleurs, ne comprend pas comment un tel incident a pu se produire. Nous sommes au PC opérationnel des sous-marins, à l'arsenal de Toulon. L'officier de permanence, le commandant Bouillot, précisément l'ex-commandant de la Minerve qui a disparu il y a près de 40 heures maintenant. Commandant, comment un sous-marin comme la Minerve a-t-elle pu disparaître ? C'est un sous-marin comme la Minerve, je connais bien la Minerve et franchement je ne m'explique pas ce qui a pu arriver à bord de la Minerve. Croyez-vous qu'il soit possible que les batteries aient explosé ? Non, c'est improbable, d'autant plus que la Minerve avait une batterie neuve. Non, c'est tout à fait exclu. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait eu une collision alors que la Minerve se trouvait en plongée périscopique avec un bâtiment de surface ? Cette éventualité est toujours possible, mais a priori, si elle s'était produite, on le saurait, car le bâtiment de surface se serait fait connaître. Ce lundi 29 janvier 1968, alors que la nuit tombe sur Toulon, les recherches pour retrouver la Minerve se poursuivent au large. Fabrice Drouel. Mardi 30 janvier 1968, trois jours après sa disparition, le sous-marin La Minerve fait encore la une de la presse et l'ouverture du journal télévisé. Interrogé par le RTF, le commandant Lasserre affiche son pessimisme et dit se préparer au pire. Commandant, le sous-marin La Minerve a disparu depuis samedi. Peut-on penser raisonnablement que l'on trouvera encore des survivants ? Eh bien, je vous répondrai en pensant principalement aux familles des disparus. Certaines de ces familles m'écoutent peut-être. Les recherches continuent parce que la certitude n'existe pas actuellement qu'on ne retrouvera pas un survivant. Néanmoins, maintenant, le sous-marin a disparu depuis samedi. 48 heures ont passé et je dois dire que les chances de retrouver un survivant sont extrêmement faibles. Alors qu'au large, les recherches se poursuivent, à Toulon, au centre de commandement, les journalistes assistent à une conférence de presse. Dès l'annonce de la disparition du submersible, les sous-mariniers de la base s'étaient montrés, non sans raison, pessimistes. En effet, la zone dans laquelle la Minerve naviguait est celle des grands fonds qui peuvent atteindre les 2000 mètres. Si le sous-marin rencontrait un problème technique, il a probablement plongé, voire coulé, et il sera très difficile d'aller le récupérer à ces profondeurs. Deuxième élément qui renforce l'inquiétude, les nombreux navires présents dans la zone n'ont détecté aucune manifestation extérieure venant de la Minerve. L'espoir de retrouver les survivants s'amenuise. Si l'armée engage tous ses moyens dans cette opération de secours, on note aussi la participation d'une personnalité du monde de la mer, le commandant Cousteau. Avec sa soucoupe plongeante, il effectue plusieurs sorties au large. Et lors de l'une d'entre elles, il perçoit sur son sonar un écho, puis affirme avec émotion par radio avoir découvert une épave. Mais à sa grande stupéfaction, ce n'est pas celle de la Minerve, non. Comme il en témoigne au micro des journalistes. On n'a pas trouvé le sous-marin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un écho et vous l'avez localisé, c'était oui. Quelque chose. On a eu du mal d'ailleurs, on a fini par le retrouver. J'ai bien cru remonter sans arriver à le retrouver, mais enfin, ça y est, on a retrouvé l'engin. Et pendant une seconde, on a eu une émotion, on s'est trouvé brusquement devant une muraille de fer. On a cru que c'était lui. Non, c'était une grosse mahone de 8 mètres de haut. Elle est là depuis très longtemps parce qu'elle était incrustée de concrétions rougeâtres, brunes. À quelle profondeur ? 140. Est-ce que ça ne faisait qu'un seul morceau ? Non. On n'a vu qu'un des deux morceaux. L'autre, je ne vais pas le chercher parce que nous économisions notre électricité pour des plongées plus utiles. Le commandant, il n'y a aucun doute possible, l'écho que l'on avait repéré de la surface, eh bien, l'épave que vous avez vue il y a quelques instants au fond de l'eau. Indiscutable. Après vérification tout de même, les experts de la marine confirment que la trace d'hydrocarbures repérée par l'avion d'aéronaval ne provient pas du sous-marin minère. Sur zone, les recherches se poursuivent sans relâche. Les 70 plongeurs du groupe d'intervention profonde, le GIP, sont à pied d'œuvre. En explorant l'axe habituellement suivi par les sous-marins pour rentrer à Toulon, ils découvrent deux épaves inconnues, celle d'un vieux biplan et celle d'un petit caboteur. Mais encore une fois, aucune trace du sous-marin. Après 6 jours d'une opération de sauvetage hors normes, le vendredi 2 février, faute de résultats, la Marine nationale annonce qu'elle suspend ses recherches. Le sous-marin Minerve est dans la foulée déclaré perdu, corps et biens. La nouvelle provoque une émotion considérable partout en France. Le ministre des Armées cite à l'ordre de l'armée le commandant, l'état-major et l'équipage du sous-marin Minerve, armant un sous-marin à haute performance dans les conditions très exigeantes de la navigation sous-marine, ont toujours donné un haut exemple de valeur professionnelle et de dévouement au bien du service. Disparus en service commandé avec leur bâtiment devant Toulon, le 27 janvier 1968. Jeudi 8 février, une foule considérable est massée sur la place d'armes à Toulon où se déroule une cérémonie religieuse en hommage aux 52 membres d'équipage du sous-marin La Minerve. Au micro, le ministre des Armées, Pierre Messmer, cite le courage et l'engagement des marins et officiers tout au long de leur carrière. Parmi les familles et les proches, certains se mettent à pleurer, d'autres s'effondrent. Le général de Gaulle présente ses condoléances. Puis, à la surprise de tous, on voit le général se diriger vers l'Eurydice, un sous-marin de même type que la Minerve. Quelques instants plus tard, il monte à son bord et part faire une plongée symbolique dans la Méditerranée. Le 5 février, une commission d'enquête est ordonnée sous la présidence de l'amiral Avenoux, inspecteur général de la marine. Elle ne réussit pas à déterminer les causes de l'accident, cette commission, mais elle conclut qu'il y a 95% de chances de retrouver la Minerve dans un rectangle de 9 km sur 4 au large de Toulon. Dans les semaines qui suivent, on apprend que le laboratoire de détection géophysique du professeur Yves Rocard avait détecté une explosion de très grande intensité à 7h59, précise, dans la zone, le samedi 27 janvier, autrement dit, au moment où le contact radio a été perdu avec le sous-marin. Ensuite, à l'automne 68, à l'été 69 et au printemps 70, en mai plus précisément, c'est dans cette même zone que vont se dérouler trois grandes opérations de recherche faisant intervenir des sous-marins et, dans le cas de la troisième, des moyens de l'armée américaine. Mais là encore, chou blanc. Au fil des années, deux scénarios retiennent toutefois l'attention, car ils sont plausibles. Soit une avarie de la barre de plongée arrière de sous-marin, l'accident d'un autre sous-marin du même type 2 ans plus tard, l'Eurydice, a démontré une fragilité à ce niveau, donc ça tient, impossible à manœuvrer, l'engin se serait alors enfoncé en profondeur. Soit une entrée d'eau à travers le tube Schnorchel. Le samedi 27 janvier 1968, jour de l'exercice, la mer, on l'a dit, était très agitée. Un défaut de conception du clapet de sécurité aurait pu permettre à l'eau d'entrer, d'alourdir le sous-marin et de le faire couler. Si ces deux scénarios mettent en avant une erreur de conception, face au mutisme de l'armée, plusieurs autres hypothèses et rumeurs vont circuler, notamment par voie de presse. Tout d'abord, certains vont accuser le commandant André Fauve et son équipage d'avoir fait preuve d'incompétence. Par la suite, d'autres vont prétendre que l'armée ne voulait pas rendre ses erreurs de conception publiques et que les causes de l'accident ont été cachées pour des raisons d'intérêt économique et commerciaux. Une autre rumeur prétendra que la Minerve était en mission secrète ou victime d'un tir accidentel de missile d'essai tiré par un bâtiment de la marine, la Galissonnière, qui se trouvait lui aussi dans la zone. Une bavure, quoi. Des hypothèses, la plupart sans fondement, et qui vont épaissir le mystère autour de la disparition du sous-marin. Les familles, elles, sont abandonnées pendant 50 ans, jusqu'à ce que le fils du commandant de la Minerve, Hervé Faure, les réunisse et unisse leurs forces. Tous vont alors remercier les terres et demander à l'État de déclassifier les documents liés à l'affaire et d'entreprendre de nouvelles recherches pour localiser l'épave du sous-marin. Les familles ont besoin de faire leur deuil, comme on dit. Il faut attendre 2018 pour que la ministre des Armées, Florence Parly, ordonne une nouvelle opération au large de Toulon. Menée en coopération avec une entreprise américaine de recherche sous-marine, elle s'engage au printemps 2019, sans grande conviction. Et pourtant, en juillet, un drone sous-marin découvre, par 2235 mètres de profondeur, une carcasse de fer en deux parties. Sur un panneau métallique, on découvre les trois lettres rouges M, I, N et, plus loin, S. Aucun doute, il s'agit de la Minerve, sous-marin S-647, celui dont on était sans nouvelles depuis 51 ans. Si l'information provoque le soulagement des 52 familles des disparus, elle n'éclaircit pas pour autant certaines questions, dont la première d'entre elles. Pour quelle raison le sous-marin La Minerve a-t-il coulé? Et puis aussi, et surtout, qui est responsable de la disparition corps et âme de 52 marins le 27 janvier 1968? His life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la disparition du sous-marin La Minerve. Sous-marin qui n'était pas jaune en l'occurrence, mais noir. Comme son histoire d'ailleurs. Dont on va parler avec notre invité maintenant, Hervé Fauve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils du commandant de La Minerve. Vous avez perdu votre père dans la tragédie, bien sûr, et vous vous battez depuis des années pour que lumière soit faite sur cette affaire. Vous êtes l'auteur d'un livre coécrit avec Léonard Yèvre, intitulé « Retrouver La Minerve », va paraître aux éditions Confident. Quelle date, rappelez-moi, le 24 mars, c'est ça, hein, 24 mars. La semaine prochaine. Bien. Alors, cette affaire est d'une tragédie, on l'a compris, qui a endeuillé des familles entières et toute la communauté des sous-mariniers français. À ce propos, vous ne travaillez pas dans un sous-marin? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans le marketing. D'accord. Où je m'occupe de connaissances clients pour... je dirais pour mieux connaître ce qu'attendent les clients. Est-ce qu'il y a dans ce métier-là qu'une certaine noblesse quand même? Parfois, on passe le flambeau à son fils, on encourage son fils à être un commandant de sous-marin. Ça existe, ça? Ça existe. Ouais. Il y a de nombreux fils d'officiers de marine qui sont devenus eux-mêmes officiers de marine. Par exemple, si je prends le cas des fils du commandant second de l'Eurydice qui a sombré 2 ans après la Minerve, eh bien, il y en a 2 qui sont devenus officiers de marine. Donc, c'est assez courant. Bon, mais j'imagine que vous avez des souvenirs forts de ce que vous racontez votre père. Ah oui, toute façon. Quand on est un petit garçon, qu'on a un père qui commande un sous-marin, ça devient un petit quelque chose pour un petit garçon. J'imagine qu'il vous a raconté des histoires. Alors, j'étais trop petit pour qu'il me raconte des histoires de sous-marins. J'avais 5 ans ça s'est produit. Oui, mais j'étais absolument fasciné par les sous-marins. J'en ai visité de très nombreux. Donc, j'ai de très, très nombreux souvenirs de visites de sous-marins auxquels je ne manquais jamais de visiter. La Minerve, je ne l'avais jamais vue puisqu'il venait juste d'en prendre le commandement. Alors, comment se fait-il qu'il ait fallu attendre l'année 2018? Ça fait 50 ans après l'accident pour qu'enfin de nouvelles recherches soient entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? Alors, pendant 50 ans, les familles se sont battues d'abord pour savoir ce qui s'était passé. Elles n'ont jamais essayé d'interroger l'armée, la marine en particulier, voire les hommes politiques, pour avoir des explications qu'elles n'ont pas eues. Elles se sont relayées, elles ne se sont pas forcément organisées entre elles, mais elles n'ont jamais eu de réponse, elles se trouvaient porte close. Quand les familles contactaient les médias au sens large, c'est une histoire qui n'intéressait personne. Donc, pendant 50 ans, nous nous sommes heurtés à un mur. Ça dit, alors, bien sûr qu'il faut lever le secret défense quand nos armées, nos politiques, notre diplomatie est engagée, embourbée dans une affaire politico-financière. Là, on peut peut-être trouver à peu près normal, je prends des précautions, parce que c'est à votre place, vous n'êtes pas raisonné comme moi, évidemment, mais que l'armée reste discrète sur son matériel, parce qu'il s'agit quand même de la sécurité du pays que l'armée défend. Alors, on peut tout à fait comprendre qu'il y a un secret qui entoure des affaires militaires, et c'est pas ça qui nous choquait. C'est le simple fait que, à partir du moment où on nous a annoncé la disparition de la Minerve, d'une part, et dans un deuxième temps qu'il y a eu la cérémonie du 8 février 1968, après, nous n'avons plus jamais eu la moindre information. C'est-à-dire que, concrètement, vous avez des mères à qui on a annoncé le décès de leur fils, et point final. C'est-à-dire que moi, le premier, pendant 50 ans, je n'ai pas eu d'informations sur ce qui avait pu se produire. Donc, entre le tout et le rien, il y a un espace. Et cet espace, il n'a pas été comblé. Et là, entre le tout et enfin le moment où on retrouve l'épave, il y a donc 50 ans de rien. Bon, 2018, on entame de nouvelles recherches. Quel est votre état d'esprit? Vous êtes pessimiste ou au contraire optimiste? Vous dites là, vraiment, on va le trouver, on va mettre les moyens. Il y aura une volonté de le faire. Quand la ministre annonce la reprise des recherches le 5 février 2019, cela faisait plusieurs mois qu'on avait réussi, en s'unissant, nous les familles, à provoquer une espèce de campagne de presse qui avait fait remonter notre cause à la une de l'actualité. Mmh. Et au moment où elle l'annonce, pour ma part, j'étais très optimiste. Je sentais les choses bouger. J'étais peut-être un des rares à être optimiste, mais on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Ça, c'est simplement parce qu'on avait réussi à ce qu'on parle de nous dans pratiquement toute la presse quotidienne régionale. Il y avait eu un passage sur M6, sur France 2. Donc à partir de là, on pensait que la ministre ne pouvait pas rester indifférente à notre demande et qu'elle allait prendre parole sur le sujet. Alors, au moment où on le retrouve, qu'est-ce que vous ressentez ? Alors c'est un choc, un véritable choc, parce que c'est une nouvelle qu'on attendait depuis donc 51 ans. J'ai personnellement appelé plusieurs familles pour leur annoncer la nouvelle de la découverte, et à chaque fois j'ai eu l'impression qu'on venait de nous annoncer le décès. C'est comme s'il y avait une espèce de retour en arrière, et c'était assez violent. On ne sait pas quoi dire, on est sous le choc, comme au premier jour. Pardon, mais dans la mesure où il n'y a aucune chance, évidemment, de retrouver le moindre survivant, qu'est-ce que ça apporte de retrouver l'épave ? C'est une forme de soulagement, parce que quand quelqu'un disparaît sans aucune information, sans rien savoir... Ah, c'est pour faire le deuil, quoi. C'est pour faire le deuil. D'accord. Alors, vous êtes battu, vous continuez à vous battre depuis des années pour que la lumière soit faite maintenant sur les raisons de ce drame. On arrive au deuxième volet de cette longue enquête. Alors, on l'a évoqué, plusieurs pistes sont encore sur la table. Deux d'entre elles semblent plus sérieuses. Il s'agit de l'avarie de la barre de plongée ou d'une entrée d'eau dans le tube Schnorchel. Vers quelle hypothèse vous penchez, vous ? Alors, a priori, on est en train d'exclure les deux. Depuis qu'on a découvert l'épave, oui. On a eu des vues sur celle-ci dont on ne disposait pas quand ces hypothèses ont été formulées. Et à partir de là, nous sommes amenés à reconsidérer tout ce qui a pu être dit ou écrit à propos du naufrage. À titre personnel, j'ai plongé sur l'épave il y a maintenant un mois et demi et je l'ai vu de mes yeux. On est en train de se poser un certain nombre de questions. On observe la torsion des tôles, la façon dont les mâts périscopiques sont tordus, les détériorations. Est-ce que c'est lié à la chaleur, pas de la chaleur ? On a beaucoup de questions qu'on se pose. On a un moment penché pour un abordage, c'est-à-dire que la Minerve aurait été touchée par un bateau. Un bateau qui était en manœuvre. Un bateau qui croisait au large. Non, un même bateau pas. De commerce qui de croisait commerce. Au, au large de Toulon, sachant qu'on n'était pas dans les eaux territoriales, donc un bateau qui reste et qui sera sans doute à jamais inconnu. Mais on est sûr de rien. C'est-à-dire que plus on étudie l'épave, plus on se pose de questions. On exclut un certain nombre de scénarios, par exemple toutes les hypothèses comme quoi elle aurait pu être victime d'un tir de missile. Une bavure. Ça non. C'est. Mmh. On est sûr que ça ne peut pas être ça, puisque dans ces cas-là, l'épave aurait une physionomie différente. Alors, vous excluez certaines hypothèses, ça veut dire que vous en gardez d'autres, ou au moins une autre, dont on va parler dans 3 minutes. Yeah. deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. Smoke City sur France Inter, Underwater. Nous continuons à parler avec vous, Hervé Faure. Je rappelle que vous êtes le fils. Fauve. Hervé Faure, vous êtes le fils d'André Fauve, qui était le commandant du sous-marin La Minerve, disparu dans la nuit du 27 au 28 janvier dans la rade de Toulon en 1968. Alors, vous avez enquêté, vous avez exclu certaines hypothèses qui, selon vous, tiennent pas, parce que vous avez enquêté, vous en avez retenu d'autres, peut-être une autre. Quelle est, au bout du compte, l'hypothèse que vous privilégiez, sur laquelle, qui serait la base de travail sérieux? Alors on est en plein travail pour parler très franchement. On n'a pas terminé d'analyser toutes les images que l'on a pu remonter il n'y a que cinq semaines. Aujourd'hui, on est en train d'étudier une possibilité d'un alourdissement du sous-marin par une entrée d'eau juste au moment où il allait plonger et qui aurait alourdi le sous-marin de plusieurs tonnes. Et à cause de quoi ? Sans doute. Il s'alourdit pas tout seul. Non, il voilà. Y aurait pu avoir une entrée d'eau effectivement par le tube Schnorchel qui aurait à ce moment-là alourdi et déséquilibré le sous-marin et l'équipage n'aurait pas pu rattraper cet alourdissement du sous-marin. Mais on est très très prudent parce qu'il peut y avoir aussi des incidents à l'intérieur même du sous-marin et ceux-là ne seront pas visibles de l'extérieur. Et c'est donc assez compliqué. Donc on est particulièrement prudent. D'accord. Le problème humain dans ces affaires-là, pareil pour les catastrophes d'avions, hein, d'accidents graves, les constructeurs, les intérêts économiques, les intérêts politiques ont tout intérêt, si je puis dire, à faire porter la responsabilité de l'accident sur ce qu'on appelle l'erreur humaine. Est-ce que vous pensez que la mémoire de votre père en souffre aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Est-ce qu'elle en a souffert ? Sur le coup, oui, puisque il y a eu de nombreuses attaques particulièrement, on peut dire, violentes vis-à-vis de sa compétence, puisqu'il venait de prendre le commandant depuis 10 jours. Et effectivement, à l'époque, ma mère, la première, a dû souvent faire face à des attaques pas voilées du tout quand elle croisait des personnes qui prétendaient que... Elle était là, que mon père était responsable direct de la perte du sous-marin. Alors la douleur des familles, qui parfois est une double peine quand un membre de sa famille est considéré comme responsable, hein, j'imagine qu'on réagit comme ça. Vous voulez qu'on écoute le témoignage de Christophe Agnus ? Donc il s'agit du fils du lieutenant de vaisseau Jean-Marie Agnus, on l'a évoqué tout à l'heure dans le récit. Jean-Marie Agnus, lui aussi évidemment disparu lors de la tragédie de la Minerve. On écoute donc le témoignage de son fils. Vous en voulez aux autorités ? Aux autorités, sur les 50 dernières années, oui. Oui, parce que on peut pas laisser autant de gens. On est quand même 270. C'est 52 familles et qui ont eu un silence. C'est des parents qui sont morts sans rien savoir. Même s'ils avaient repris, allez, une fois tous les 10 ans. Allez, on refait une campagne de recherche pour essayer de le retrouver. Ça aurait maintenu l'espoir qu'on le retrouve. Et que surtout, qu'ils comptaient. Qu'ils avaient compté. C'est-à-dire que ce silence, la marine qui était, et l'État qui était complet pendant 50 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un courrier, on n'a pas eu rien. Enfin, c'était ils sont morts et alors. Voilà. Vous savez, chez les marines américains, il y a un truc où on ne laisse jamais un corps derrière. Là, visiblement, ce n'était pas le sujet. J'imagine que votre sentiment est le même que celui qu'on vient d'entendre. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on restait dans le doute, on se demandait ce qui se passait. J'ai toujours été persuadé qu'on finirait par la retrouver. Finalement, j'ai pu agir en ce sens, mais c'est vrai que on avait pratiquement perdu même tout espoir qu'un jour il se passe quelque chose autour de la Minerve. Si on revient dans le passé, il y a 50 ans, pendant l'enquête, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on fait appel au commandant Cousteau. Donc on a vraiment l'impression qu'on se donne tous les moyens pour le retrouver et pour savoir. Et puis au bout du compte, on sait qu'on ne sait pas. Hein, 50 ans sans rien dire. Et aujourd'hui encore, cet appel au commandant Cousteau, comment on doit le traduire? Ça paraît à la fois sérieux, parce que c'est un homme éminemment sérieux, puis en même temps un peu décalé, quoi. Oui, l'appel au commandant Cousteau, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne suis même pas sûr que ce soit pas lui qui l'ait fait de sa propre initiative. Oui, c'est possible. L'émotion en France était intense. Toute la marine en Méditerranée s'est mobilisée pour rechercher la Minerve. Le commandant Cousteau est arrivé en plus, mais il faut avouer que quand même la marine avait déployé tous ses bâtiments sur la recherche de la Minerve. L'émotion d'ailleurs des marins d'époque est encore tangible aujourd'hui. J'ai de très nombreux contacts avec des marins dont certains me disent que depuis 1968 ils y ont pensé tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et l'Eurydice, deux ans après? Deux ans après, c'était il y a 50 ans la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe exactement? Racontez. L'Eurydice, l'hypothèse qui prévaut serait qu'elle se serait fait aborder par un cargo tunisien en immersion périscopique et qu'elle aurait sombré suite à cet abordage. Mais pourquoi on ne dit pas ça, par exemple? Après tout, ça peut arriver, un accident. Alors, pour l'Eurydice, on l'a dit, ça a été écrit dans les journaux, on le sait, et d'ailleurs, les familles de l'Eurydice ne sont pas du tout dans la même disposition d'esprit. D'accord, que celle il y a une transparence sur ce dossier-là, ok. Je ne sais pas s'il y a une transparence. Enfin, mais en tout cas, plus que pour la Minerve. Plus que pour la Minerve. Mais la Minerve, ce qui a accru l'opacité sur le dossier, c'est qu'on ne savait rien et qu'on n'avait pas retrouvé l'épave. Et donc, à partir du moment où on n'a pas retrouvé l'épave, on ne pouvait rien dire. Mais on a caché ce vide sous le secret défense. Qu'est-ce que vous avez ressenti, même si ce n'est pas du tout la même histoire, mais enfin quand même, il s'agit d'un sous-marin avec des sous-mariniers, des hommes qui meurent ou qu'on laisse mourir. L'histoire de Kursk, qu'est-ce que vous avez ressenti? Le Kursk, c'est d'abord une profonde émotion, puisque ça m'a évoqué très fortement la disparition de la Minerve lorsque ça s'est produit. Et puis une forme d'horreur, quand on connaît les circonstances dans lesquelles ces marins sont morts, qui ont agonisé lentement sur plusieurs jours. Je dirais d'un certain côté, heureusement, ce qu'on sait pour la Minerve, c'est que ça s'est passé en une fraction de seconde et qu'ils n'ont pas souffert. Ça, c'est important. Toute dernière chose, quelques secondes, l'intention de ce livre qui sort le 24 mars, c'est quoi l'intention pour vous? C'est qu'on fasse connaître cette histoire? C'est d'une part... Ça allège le fardeau aussi? C'est d'une part de faire connaître cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé effectivement de la raconter. Et puis, c'est aussi une façon de marquer d'une pierre définitive ce qui s'est passé autour de la Minerve. Bien sûr. Merci infiniment, Hervé Fauve. Fils, je rappelle, d'André Fauve, le commandant du sous-marin qui a disparu. Il s'appelait la Minerve. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de la Minerve, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.